j'ai pas de travail. J'ai déjà un gosse donc faut que je fasse la maille. Je vais me sortir en boîte, ça fait 2-3 ans que j'ai pas de castable. Je joue la femme fatale, craque quand un chien de la casse déclare sa flamme. Mon lit c'est le carnaval, connu auprès des mecs car j'avale. Je me crois précieuse, mais alors je suis qu'une saleté de pute. Faudrait plus qu'une éjac faciale pour me blanchir de ma sale répute. Je suis le genre de femme facile sur qui un tas peut pas. Le genre de meuf qui prend pas la pilule même quand la capote lâche. Je m'éclate pendant que mon môme grandit dans de sales conditions. Sa mère fait la fête pendant que son père s'en tape son fiston. Pauvre gosse qui s'emmerde, réclame sans cesse sa mère. Une mère qui connaît moins la chambre, son fils que la banque est arrière. Quand je rentre, je lui mens à chaque fois. Pendant qu'il apprend à marcher, moi je me fais prendre un 4 pattes. En boîte, je vide les hommes et tous les stocks de tease. Montre mes seins à des types au lieu de le donner à mon propre fils. Et même mes potes le disent. C'est pas comme ça que je serais pété d'une traitée de pute. Pas une bonne mère, juste une traînée de plus. Les mecs, j'en ramène pas qu'un peu. Pour le môme, ce n'est pas un jeu du genre. Tu vois les hommes là-bas, ton père pourrait être chacun d'eux. Tu peux voir la tristesse dans ses yeux. Le pire c'est qu'en a plein que la vie pèse d'entrée de jeu. Tu peux voir la tristesse dans ses yeux. Le pire c'est qu'en a plein que la vie pèse d'entrée de jeu. Hé, hé, y'a des rumeurs qui traînent sur toi. Ta mère c'est une pute, non? Hein? Alors? C'est toi le fils de pute? Je vais très mal, je vois le désespoir en full HD. Je fais que me péter le crâne, dur de traîner le soir sans tout casser. Baisé par la vie, au lieu d'être près de mes parents, je fous la merde. Monsieur Bonheur, depuis que je suis môme, ce PD se barre en toute lâcheté. J'ai pas de grand frère, aucun aîné va m'encourager. Mon père, je l'ai pas connu, et ma traînée de maman me fout la gerbe. Faire les 400 coups marrés, je sais pas ce que c'est, vu que j'ai pas de potes. En même temps, je les comprends, je suis pas ce mec très poignant, je vous l'admets. Et ça fait 2-3 années que je passe mon temps à me massacrer le crâne. Voir m'auto-détruire, poteau, je peux pas me passer de ça. Non, je peux pas me passer de ça. Ceux de ma classe rêvent de finir leurs études pendant que je rêve de braquage et de liasse. Marre de leurs belles promesses. À 14 ans, je suis perdu. Je rêve pas d'amour, mais d'une villa entourée de belles hôtesses. Les murs ont des oreilles, mon cul. Ou alors ceux de ma chambre ont fait semblant de pas écouter mes SOS. Ma mère est peu bavarde. Son passé troublant, dis non. Encore une de ces putes qui se fait passer pour Cendrillon. La vie m'a pas fait. À l'heure où je te parle, mon père que je connais pas fait des allers-retours en prison. Putain. Tu peux voir la tristesse dans mes yeux. Le pire c'est qu'en a plein que la vie pèse d'entrée de jeu. Tu peux voir la tristesse dans mes yeux. Le pire c'est qu'en a plein que la vie pèse d'entrée de jeu. Ça y est, je viens de faire 15 ans. Dans ma vie, toujours rien de près, rien ne change. Loin d'être un ange, j'encaisse les coups et les meugris de mes camarades qui me disent bien fait, tiens mange. Je veux plus suivre le chemin de l'école là-bas, j'ai pas d'amis. En attendant, je serre les dents et je fais mine de rien. C'est triste, je crains ce que je vais devenir. Toi, sais-tu ce que c'est que de rien ressentir quand on t'insulte de fils de temps. Fils de temps. De fils de temps, en attendant, je serre les dents et je fais mine de rien. C'est triste, je crains ce que je vais devenir. Toi, sais-tu ce que c'est que de rien ressentir quand on t'insulte de fils de temps? De toute façon, j'écoute personne à part quel crapper. Bah ouais, ma vie est pourrie, alors je rêve de la leur. Ouais, ouais, je rêve de la leur. D'un en particulier, c'est marrant, sa maison se trouve pas loin de la mienne d'ailleurs. C'est un vrai ce type, il roule en berline neuve. Il a des textes qui cognent, une belle vie thug. C'est ce qu'il me donne, envie de faire comme lui naïf. J'ignore que tout le fric qu'il possède, c'est son père qui le donne. Bref, je m'isole, je m'agite en scred. Je prépare un coup, tout comme lui il aurait soi-disant fait. Le problème c'est que c'est que des mensonges. Tout ce qu'il raconte dans ses sons, c'est du blabla, que de la mise en scène. Je me vois pris dans le piège de l'influenceur. Je me dirige vers cette banque déterminée. Vu que j'ai pas un sou, un tas de flics s'en mêlent. Je panique, le coup part, un homme tombe. La sentence sera disant ferme. Tu peux voir la tristesse dans mes yeux. Le pire c'est qu'en a plein que la vie pèse d'entrée de jeu. Tu peux voir la tristesse dans mes yeux. Le pire c'est qu'en a plein que la vie pèse d'entrée de jeu. Gros c'est rude ma foi. Je ne suis qu'un gosse déçu de la life. Je suis en prison pendant que mon rappeur préféré s'inspire de mon vécu posé sur le canard. Ah, gros c'est rude ma foi. Je ne suis qu'un gosse déçu de la life. Je suis en prison pendant que mon rappeur préféré s'inspire de mon histoire posée sur un canapé. L'influencer.